ええ。 T'es là. Thank you. Bah, j'enlève le capot. Bon, j'enlève le capot. Ça fait. Thank you. tactique. Ah vas-y, c'est super tactique. Je remets les accords. On part sur le 1, peut-être une mesure de trop. Je me recale. C'est pas Allez, Titi. Allez, Titi. Je fais un refrain après tu solo. Thank you. Bon, ça fait. Fa EM. Alors, après la mineur. Ça fait comme ça. Ça, c'est le couplet, ça. Deux fois. Trois fois. Si ça passe, ça c'est le couplet. Ça, je vais voir si ça passe. Désormais, je me sens mauvais. Ah, j'arrive pas là. Putain. Attends, je me recale. Attends, je re-essaye pour voir. Fa, mi mineur, la mineur, fa, mi mineur, etc. Puis après, ça change. Non, merde, c'est deux secondes, je me trompe les paroles. Je recommence à. C'est dur, j'ai mal. Hein. Deux, trois, quatre. Ce son-là, je n'entends plus ma voix. Ce temps-là, je ne quitte mes pas. De ce temps-là, je sais que je vais, mais ne marche pas. On arrive à faire. C'est pas grave. On enlève le break à la fin, le fa. Et on essaye en 40 pour. Attends. On essaye en 40. Tu l'es là, t'as les accords, c'est bon là. Normalement, je me suis pas trompé. Je me dis qu'il faut se tromper. Attends, c'est l'oreille du qui arrive ici. Bon, on va essayer. Normalement, ça passe en 40 que le coupé. En 32, je suis obligé de tourner le truc. Non. sont là. Je sais que je vais, mais ne marche pas. Sans aucun repère, j'avance puisqu'il le faut. Après, ouais. On ne peut pas faire 40 plus 32. C'est combien le maxi ? Plus 32, je crois, on n'a pas le droit, hein, si, tu vois. Non, il veut pas. Bon. Le monsieur, il veut pas. Non. Bon, je vais me démerder en 64, mais je vais tricher. Désolé pour l'auteur. On va enlever le. On va enlever la partie Fa, Sol. Je le vire. Attends, merde, je suis pas prêt. J'ai viré l'autre partie, hein. Je chante en même temps, sinon j'arriverai pas. Je pars, hein. Je m'entraîne. Plus ma voix. Et de ce temps, je vais virer sans aucun impôt. Je vais essayer. Ouais, je vais essayer. Ce temps-là, je n'entends plus ma voix. De ce temps-là, je ne guide mes pas. De ce temps-là, je sais que je vais, mais ne marche pas. De là-haut, peux-tu me dire si les mots sont. Le temps sont mauvais, mais il est vrai, je me perds dans ce monde imparfait. De là-haut, peux-tu me dire si les mots sont plus beaux? Ça va pas? Ouais, j'ai juste viré le. Je le fais, ok. Allez, on y va. Et deux couplets et après, je vais faire le solo. D'accord. Je n'entends plus ma voix. De ce temps-là, je ne guide plus mes pas. De ce temps-là, ce que je vais, mais ne marche pas. De ce temps-là, je sais que je vais, mais ne marche pas. pas. De là-haut, peux-tu me dire si les mots sont plus beaux? Peux-tu me dire si l'air est aussi chaud? Est-ce que tu le sens? Le temps s'en mauvais, mais il est vrai, je me perds sur mon imparfait. De là, peux-tu me dire si les mots sont plus beaux? Peux-tu me dire si l'air est aussi chaud? We'll be right back. passer là. Dernière fois. On va peut-être se mettre sur un autre serveur si. Pour pas leur faire chier. On le fait une dernière fois ? Comment on dit en anglais ? Ah non, on va manger. J'ai 10 minutes ! Allez, la dernière. La dernière. On est sur un ninbot, j'espère, parce que les ninjammers, putain, je suis pas entré. Allez, on reprise d'un morceau avec Titi et la guitare. Et Benji, le chant, et la guitare. J'ai un peu mal à la main, mais ça a l'air d'aller mieux. Thank you. j'ai pas le temps d'en mettre tout de suite. Et après, je dois m'en aller. T'es prêt? Je fais une dernière fois parce qu'après j'y vais. Tu vas bien mixer ça, toi. We'll be right back. Mais pourquoi elle déconne ma batterie ?